Ça, ça va? Oh! Qu'est-ce que tu fais? Ah, viens! Ah, c'est samedi soir, tu vas pas aller te coucher! Saturday night, bébé! Allez, viens, je te sors! Je m'en fous que t'es un mec, moi, je suis pas jaloux! Allez, monte! Je sais que t'as envie de venir! Monte! Ouais! Monte dans ma kangourou, bébé! On va cruiser dans Paname, bébé! Ce soir, c'est moi qui régale, bébé! Ce soir tu vas kiffer ta race, bébé. Ouais. Dans ma kangourou tu lances peinture blanche, cache en plastique sur les jantes, c'est clair. Allume cigare à l'arrière, profite du confort. Tu kiffes les utilitaires? L'emplein de sans-plomb 95, on file à 110 sur l'autoroute à 15. Rome au beignet, tout place Clichy direct. On arrive à Strasbourg samedi. Débarquement dans la ville luminaire Paris, samedi minuit, rue de Paradis. Pour toi baby, je vais faire tomber la cagoule. Ce soir je te sors au délice d'Istanbul. Je t'emmène au kebab. Saturday night kebab, bébé. Ce soir, je t'emmène au kebab. Ouais, ce soir c'est royal. Ce soir, je t'emmène au kebab. Au Saturday night kebab. Ce soir, je t'emmène au kebab. Ouais, on est reçu, on a pas, bébé. Ce soir c'est la pure vibe, bébé. Vas-y, prends ta bourrée, bébé. Ce soir tu vas kiffer ta race, bébé. Attends, laisse, je vais commander pour toi. Un grec, frites, avec plein de frites. Salade, tomate, oignon, sans oignon. Ketchup, mayo, sauce blanche. J'adore. Pour moi ce sera un spécial Ankara. Saumon fumé, gruyère et tarama. Doigt de Nutella et un max de harissa. Allez, prends ton petit plateau, installe-toi. Les coups sur la table, c'est parti pour un tour. T'essayes de manger sans t'en foutre tout autour. Et t'as vu chérie, j'ai pris des bières. Ce soir au kebab, c'est tellement pépère. Ce soir, je t'emmène au kebab. Installe-toi bébé. Ce soir, je t'emmène au kebab. Saturday night kebab. Ce soir, je t'emmène au kebab. Je te lâche au royal. Ce soir, je t'emmène au kebab. Saturday night kebab. Saturday night kebab. Saturday night kebab. Je passe mes doigts tout gras. Je sais pas ce qui me fait craquer petite. Ton parfum, l'odeur du bac à frites. Mais dans tes yeux remplis de grâce, dans tes mains remplies de graisse, je m'évade, je te roule une pelle sauce kebab. Excuse-moi, c'est la bière. Ce soir, je t'emmène au kebab. Pompino, t'as vu?